Non, je ne veux pas devenir grand. Non, je ne veux pas me laver les dents. Non, je ne veux pas manger maintenant, ni devenir con comme mes parents. Je veux rester avec Doudou, le tic contre mon chatou, nous faire de la peinture, m'en foutre partout. Ne pas me laver un poing, c'est tout. Mais comment faire pour pas grandir? La la la la la la la la. Mais comment faire pour pas grandir et pour garder mes yeux d'enfant? Non, je ne veux pas devenir grand. Non, je ne veux pas gagner d'argent. Non, je ne veux pas conduire en vrai. Vitesse, c'est trop compliqué. Non, je ne veux pas aller bosser. Je ne veux pas me lever tous les jours. Je ne veux pas épouser maman. Les bisous, c'est trop dégoûtant. Mais comment faire pour pas grandir? La la la la la la la la. Mais comment faire pour pas grandir et pour garder mes yeux d'enfant? Mais pourquoi, quand t'es là, ma copine avec moi, je sens des papillons bouger dans mon bidon. Oui, je veux bien devenir grand. Apprendre avec toi les mystères d'amour suffit peut-être simplement d'ouvrir plus grand nos yeux.